nuit s'avance et déjà dans la pénombre je me sens là. Le cœur n'y est pas. Mon âme est sombre, vieux soldat. Si je mène encore le combat, c'est grâce à toi. Veille sur moi, ne me laisse pas m'endormir. Veille sur moi, ne me laisse pas me trahir. Ne laisse pas le froid m'envahir. Sur la face nord de la vie, là où la mort prend les paris, je prendrai mon car à minuit. Le vent me mord, le vent me crie, ce n'est pas à genoux compris, c'est avec toi. Veille sur moi, ne me laisse pas m'endormir. Veille sur moi, ne me laisse pas me trahir. Ne laisse pas le froid m'envahir. Dans cette ville de pointes et de clous, dans cette vie comme une corde à mon cou, dans cette vie j'irai jusqu'au bout. Avec toi, reste avec moi. La nuit s'avance, et pourtant, si nous partons, soleil levant, ce sera grâce à toi. Veille sur moi, veille sur moi, ne me laisse pas me trahir. Veille sur moi,